Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Emmanuel Kant est né en 1724. En 1781, il publie la Critique de la raison pure, qui, 8 ans avant la Révolution française, va provoquer une révolution dans la philosophie. Il a 57 ans, ce qui a de quoi encourager les jeunes auteurs et philosophes qui n'ont pas encore publié et à qui l'on fait croire que l'essentiel du travail de la pensée se fait avant 50 ans. Kant est aujourd'hui l'un des philosophes les plus étudiés, et ses partisans, comme ses détracteurs, s'accordent à lui reconnaître une place incontournable dans l'histoire de la philosophie. Mais que connaît-on d'Emmanuel Kant aujourd'hui ? Esther Valensic est allée à la sortie d'un lycée pour poser la question. Ça vous évoque quoi, Emmanuel Kant ? Qui ça ? Philosophie. Ça m'évoque... L'éthique, non ? Ah, l'éthique déontologique, c'est pas ça ? Waouh, Emmanuel Kant ! Attendez, faut que je me rappelle de mes cours de philo. Non, moi je me rappelle de mes cours de philo. Moi, il parle pas du travail. Emmanuel Kant, président, ma gueule. Président ? Emmanuel Macron ? C'est pas ça ? Kant, mais non. Ah oui, Kant, c'est la raison. C'est ça, oui, c'est sur la raison. Quelle émotion ce nom provoque-t-il en vous ? Moi, c'est pour un peu de l'ennui et tout, le français, des mauvais souvenirs, tu vois. Ça me dégoûte un peu, parce que j'avais 4 en philo toute l'année dernière. C'était pas cool. Pas cool, pas cool. Ça vous fait pas peur quand je vous dis Emmanuel Kant ? Non. Break it down. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous explique Emmanuel Kant ? Oui ? Oui, j'aimerais bien. Non. Plus ou moins. Si, ouais, pour la culture en G, c'est bien. C'est important de savoir qui. Ouais, mais un cours de 4 heures sur Kant, non merci. Faut être honnête. Break it down. Bonjour Michael Fassel. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Faut être honnête, le disait l'étudiant qui répondait aux questions d'Esther Valensic, à la question « Quelle émotion Kant vous procure-t-il » Qu'est-ce que vous répondez ? Ah ben je dirais que c'est une émotion qui est toujours un peu rationnelle. C'est ça le problème, c'est que Kant n'est pas un auteur qui a, par différence peut-être avec un philosophe comme Nietzsche, qui a avec lui une aura de subversion, qui a une aura de sentimentale en quelque sorte. C'est l'auteur qui est censé, mais sans doute à tort, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, incarner une figure non seulement de la sagesse, mais je dirais de la limite, de la rationalité dans ce cas-là, de peut-être de plus apparemment peu trop sérieux, je dirais. Donc Kant a une réputation qui le précède, comme beaucoup de philosophes, une réputation de rigueur, on dit parfois qu'il est rigoriste même, dans sa manière, je dirais, de penser, mais aussi dans sa manière de vivre. Hein. C'est un philosophe dont la biographie est limitée à peu de choses, qui n'a pour ainsi dire pas quitté sa ville de Königsberg. Ça c'est vrai, c'est pas une légende. C'est vrai, il a très très peu voyagé, et quand il l'a fait, ça n'était qu'aux environs de cette ville de Prusse orientale. Et en plus, c'est quelqu'un, vous l'avez rappelé dans votre introduction, qui devient kantien sur le tard, puisque c'est à 60 ans pratiquement qu'il publie son livre principal, en tout cas le premier qui marque sa pensée, la Critique de la raison pure. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écrit de livre auparavant, ni qu'il a d'ailleurs qu'il n'a pas enseigné avant. Hein, Kant, c'est la figure du professeur, ce qui ne va pas non plus toujours dans le sens de sa réputation positive. Mais ça veut dire qu'il opère sur lui-même, et là il devient peut-être déjà plus intéressant. Il opère par rapport à sa propre pensée, par rapport à ce qu'il a commencé à faire en philosophie et qu'il a fait pendant plusieurs décennies, une véritable révolution. C'est ça. Il opère une révolution dans la manière de penser, qui s'appelle justement une révolution copernicienne, parce que, et ça marque quand même, je dirais, une intensité de la vie intérieure assez grande. Il pense contre lui-même, contre la tradition dominante de son époque et qu'il a épousé pendant longtemps. Et il le fait, encore une fois, relativement tardivement. Mais je dirais qu'une fois qu'il a fait le virage critique, en quelque sorte, après la Critique de la raison pure de 1781, eh bien, il va transformer sa propre pensée et avec elle l'histoire de la philosophie elle-même. C'est tout le défi pour un professeur que d'essayer d'éveiller le goût pour un auteur qui est associé à quelque chose, et associé à juste titre, hein, à quelque chose d'assez aride et très rigoureux, un philosophe de la méthode, c'est le sujet de cette émission aujourd'hui, Michael Fossel. Vous, vous enseignez la philosophie à l'École Polytechnique, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Kant. Est-ce que vous vous définissez comme kantien? Et qu'est-ce que ça veut dire être kantien? Ben, je me définirais plutôt pas tous les jours, hein, et pas dans toutes les occurrences, et pas dans toutes les situations comme kantien, mais quand je le fais, il m'arrive de le faire, eh bien, ce n'est pas tellement, et c'est ça aussi une des spécificités de Kant, ce n'est pas tellement en pensant à des objets, à des types de questions, à des thèses finalement qui seraient celles de Kant, mais en pensant à une méthode. La philosophie kantienne, c'est d'abord une méthode, et dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire un chemin vers la vérité. Il n'affirme pas forcément des thèses ou pas immédiatement des thèses massives. C'est une manière de penser, je le disais tout à l'heure, une révolution dans la manière de penser, mais donc aussi un nouveau chemin pour la philosophie qui consiste à s'interroger, et là on rentre très très vite dans le thème qui nous réunit aujourd'hui, le mot apparemment un peu complexe et technique, transcendantal, une manière au fond de réfléchir non pas aux choses en général, mais aux moyens d'accéder aux choses. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, quand je me dis kantien, c'est plutôt par un effet, je dirais, de prudence, j'espère au meilleur sens du terme, c'est-à-dire ne pas immédiatement être fasciné par les choses, ne pas immédiatement vouloir affirmer des thèses vraies ou faire des critiques au sens négatif dogmatique, c'est essayer de réfléchir aux conditions de possibilité de ma connaissance. Qu'est-ce qui fait que je peux dire cela ou qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en mesure d'affirmer une vérité à propos de Dieu, à propos de l'âme, à propos de la science. Mais ça veut dire que la philosophie kantienne s'intéresse aux conditions d'énonciation d'une vérité, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment un objet, c'est plus une réflexion sur la forme, vraiment une méthode, c'est ce que vous dites. Oui, c'est une méthode, lui-même d'ailleurs le dit, et c'est une méthode qui au fond permet de résoudre un certain nombre de problèmes, et un problème central, je crois, en philosophie, qui est le suivant, qui dit de la manière la plus générale serait le suivant, de quoi parle la philosophie? Quel est l'objet de la philosophie? Et sur la base de cette question, vous avez dans l'histoire de la philosophie, et encore d'ailleurs dans la philosophie contemporaine, quantité de réponses différentes. La philosophie a pour objet la sagesse, par exemple. Elle a pour objet de nous rendre nous-mêmes sages, c'est-à-dire au fond de produire sur nous une connaissance qui nous, d'une certaine manière, qui nous met à l'abri de la vie. D'autres diront non, la philosophie ne s'occupe que de la vérité, peu importe ses effets subjectifs. Certains penseront enfin que la philosophie a pour vocation de réfléchir aux sciences et au savoir. Alors Kant, lui, c'est une manière de faire de la philosophie qui, dans son temps, et peut-être aujourd'hui encore, est parfaitement originale, en ce sens qu'il ne dit pas que la philosophie a un domaine qui lui serait propre. Il ne dit pas que la philosophie a des objets qui lui seraient en quelque sorte réservés. Généralement, en tout cas à l'époque où parle Kant, les objets, ou écrit Kant, les objets qui sont réservés à la philosophie sont les objets de la métaphysique, enfin que la plutôt les objets que la philosophie se réserve à cette époque, sont les objets métaphysiques, essentiellement Dieu, l'âme et la liberté, ou le monde d'ailleurs aussi. Kant, lui, ne commence pas par dire « bon, bah, la philosophie s'occupe en priorité de cela, Dieu, l'âme, le monde, et puis la science, d'une certaine manière, va s'occuper de ce qui se passe dans le monde ou dans l'expérience ». Pour Kant, il n'y a pas en ce sens-là un partage du travail entre la philosophie et les sciences. La philosophie s'occupe des conditions à partir desquelles nous pouvons penser quelque chose de vrai, sur les objets de la science, sur Dieu, sur la morale, sur le beau aussi. Par conséquent, la philosophie, c'est pas tellement qu'elle a un domaine qui lui soit propre, la science a un domaine, la physique a un domaine, c'est celui de la nature, je dirais, inanimée, la biologie a un domaine, c'est celui du vivant, la théologie a une région, c'est celle, si l'on peut dire, de Dieu. La philosophie, elle, est transdisciplinaire, si je puis dire, parce qu'elle vient d'abord, elle vient avant de poser la question des objets, des choses, pour savoir qu'est-ce qui légitime ou justifie notre connaissance de ces choses. Transdisciplinaire, dites-vous. On entend déjà le terme de trans quelque chose qui va nous occuper aujourd'hui. On va analyser ensemble cette semaine quatre concepts clés dans la philosophie de Kant. L'insociable sociabilité, ce sera demain. L'impératif catégorique, mercredi. Le mal radical, jeudi. Et aujourd'hui, on commence avec le transcendantal. Et la première distinction entre le transcendantal et le transcendant, elle est établie par Éric Rohmer. Moi, j'aborde, disons, la vraie philo de front. Et comme ils connaissent pas, ça les intrigue. La vraie philo, tu veux dire la métaphysique? Pas exactement. Parce que là encore, sur entre guillemets, les grandes questions, Dieu, l'univers, la liberté. Ils ont leurs réponses, naïves, mais réponses tout de même. Non, je dirais plutôt la philosophie transcendantale. Transcendantale? Oui, Kant. Tu leur fais lire Kant? Non, je fais pas forcément référence aux auteurs, du moins au début. J'essaye de susciter une réflexion portant sur la pensée en tant que telle, le pur acte de penser. Enfin, j'emploie le mot transcendantal au sens large. Qui comprend aussi le sens husserlien? Oui, bien sûr. Et d'après toi? Quoi? Transcendantal, ça veut dire quoi? Ben, ce qu'elle dit. Une philo qui se place au plus haut sommet, qui dépasse tous les points de vue, les transcende. Ce n'est pas du tout ça. Tu confonds transcendantal et transcendant comme 99% des gens. Eh oui, désolé, on passe pas tous notre samedi soir à parler de Kant en table avec un prof de philo qui nous explique ce que c'est que le transcendantal. C'est un extrait du Conte de printemps d'Éric Rohmer, mais nous sommes en studio, enfin je suis en studio ce matin avec Michael Fessel qui lui va nous expliquer ce qu'est le transcendantal. Alors première distinction, en quoi est-ce que le transcendantal n'est pas synonyme de transcendant, qui est un mot qu'on connaît plus quand même? Oui, je ne sais pas pour autant si, comme dans le film de Rohmer, 99% des gens confondent les deux termes, parce que le mot transcendantal n'apparaît pas effectivement souvent dans la conversation. Alors il est vrai que c'est un mot équivoque, on peut dire, qui d'une certaine manière assume une forme d'ambiguïté, parce que dans transcendantal, on entend effectivement transcendance et transcendance. Chez Kant, cela désigne ce qui dépasse les conditions de l'expérience. Ce qui va au-delà justement de ce que je peux connaître et qui renvoie à ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu, l'âme ou le monde. Or, en ce sens, effectivement, il faut non seulement distinguer transcendantal et transcendant, la discipline qui en philosophie s'occupe du transcendant, de ce qui dépasse donc l'expérience, c'est la métaphysique. Et justement, Kant va utiliser une méthode transcendantale pour critiquer les prétentions de la métaphysique. La métaphysique qu'il a en face de lui, si je puis dire, c'est celle de Leibniz, c'est celle qui, depuis Platon, d'une certaine manière, caractérise la philosophie, c'est-à-dire une prétention à porter sur ce que nous ne voyons pas, ce que nous n'expérimentons pas, un discours de type scientifique, à démontrer par exemple l'existence de Dieu, ou à démontrer l'immortalité de l'âme. Or, Kant utilise une méthode transcendantale qui va précisément nous montrer qu'avant de savoir si Dieu existe, mettons, ou si l'âme est immortelle, posons-nous la question de savoir ce qu'il y a dans ce concept d'âme, à quelles conditions, ou de Dieu, à quelles conditions est-ce que je peux avoir un savoir, produire une connaissance sur ce qui dépasse l'expérience, qui soit une connaissance certaine. Et le résultat est négatif, effectivement. C'est-à-dire qu'en réalité, la méthode transcendantale va démontrer que nous ne pouvons pas avoir un accès à ce qui est au-delà de la nature, à ce que Kant appelle le suprasensible, parce que transcendantal chez Kant, cette fois-ci disons-le positivement, cela veut dire en réalité poser la question des conditions de possibilité de la connaissance. Au fond, Kant, c'est quelqu'un qui va rétrograder, pas au sens négatif du terme, mais rétrocéder par rapport aux questions traditionnelles de la philosophie. Encore une fois, peut-on démontrer l'existence de Dieu? Eh bien, il va rétrocéder en posant la question, oui, mais qu'est-ce qu'une démonstration? À quelles conditions une démonstration est-elle légitime? Et une fois qu'on aura, si je puis dire, ou qu'il aura montré ce qu'est une démonstration, peut-on appliquer, alors, ces critères de la démonstration à un objet, entre guillemets, tel que Dieu? La réponse, là aussi, sera négative. Autrement dit, il y a un côté, et le mot est de Kant, de discipline, disciplinaire quasiment dans la critique de la raison pure ou la critique tout court. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il faut au préalable, c'est cette idée qu'il faut retenir dans transcendantal, il faut d'abord poser la question de la légitimité de notre discours avant, je dirais, de nous jeter dans l'eau, c'est-à-dire avant de prétendre produire un savoir sur Dieu ou sur l'âme ou sur même la nature. Mais ce qui paraît fou, c'est que personne n'ait émis cette idée avant, surtout de s'interroger sur les conditions de possibilité de la réflexion. Ça veut dire qu'il a fallu attendre 1781 et la publication de la critique de la raison pure pour que quelqu'un se pose la question de ce que peut vraiment la réflexion philosophique au fond. Alors, je dirais évidemment pas cela, parce que, en particulier, si on prend même la période moderne, quand j'ai dit tout à l'heure, bon, le transcendantal, c'est une méthode, chez Kant, il est clair que, il est évident que Kant n'est pas le premier à assujettir la philosophie ou à soumettre la philosophie à l'exigence de la méthode. Descartes étant évidemment ici le principal initiateur de cette nécessité méthodique, c'est-à-dire, encore une fois, avant de produire de la vérité, demandons-nous quel est le chemin vers cette vérité. C'est l'objet du discours de la méthode. C'est l'objet du discours, de la méthode, c'est-à-dire d'un ensemble de règles qui vont, d'une certaine manière, produire un chemin qui soit le plus économique, si je puis dire, vers la vérité. S'il y a une spécificité de Kant, je dirais, c'est que c'est justement dans le mot transcendantal qu'elle réside, mot auquel il va donner son sens, hein, c'est pour ça... Ça n'existe pas avant lui. Le mot existe, mais pas dans le sens kantien. On appelait avant Kant, dans la philosophie médiévale, les transcendantaux. Alors là, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus général. Par exemple, les concepts transcendantaux, c'est l'être, le bien, le vrai, c'est-à-dire ce que l'on peut dire de plus général sur les choses, d'une certaine manière, avant même de les rencontrer. Bon. Alors ça, ce sont les transcendantaux, ce sont les attributs les plus généraux, au-delà même des catégories. Kant va modifier profondément le sens de ce terme transcendantal, au sens où pour lui, encore une fois, c'est pas ce qui vient à la fin, c'est pas ce qu'il y a de plus haut, c'est ce qu'il y a au préalable du discours philosophique. Et alors, s'il est spécifique ou s'il a quelque chose de spécifique par rapport à la tradition, y compris cartésienne, c'est que au fond la méthode philosophique, elle ne va pas trouver d'appui pour lui dans les sciences constituées. Descartes s'est beaucoup inspiré des mathématiques comme modèle du savoir, au fond, puisqu'il est contemporain de la physique mathématique, c'est-à-dire au fond, puisque Galilée a démontré que la nature est mathématisable, est-ce que l'on peut se servir des mathématiques pour aussi la métaphysique d'une certaine manière, c'est-à-dire pour nous orienter dans la connaissance essentiellement de Dieu. Kant va procéder différemment. Transcendantal, c'est vraiment le propre de la philosophie. C'est une méthode qui consiste, encore une fois, à revenir aux conditions possibilités de la connaissance et qui donc va s'appliquer aussi aux mathématiques. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas, pour Kant, c'est en quoi c'est un peu il y a quelque chose d'un peu, je dirais, révolutionnaire. Dans la révolution, il y a toujours quelque chose, disons, un mouvement aussi qui est une prétention très forte, hein, une prétention au bouleversement du monde. Et le monde ici, c'est le monde de la philosophie. Car pour Kant, finalement, la critique ou le transcendantal, les deux termes finalement en un sens sont synonymes, c'est vraiment ce que la philosophie peut faire et qu'elle est seule à pouvoir faire. C'est-à-dire, c'est une manière d'interroger le savoir qui ne trouve de modèle dans aucun savoir établi, dans aucune science déjà historiquement advenue. Je nomme transcendantal toute connaissance qui s'occupe en général moins d'objets que de notre mode de connaissance des objets, en tant que celui-ci doit être possible a priori. Un système de tel concept s'appellerait philosophie transcendantale, mais cette philosophie est encore beaucoup trop vaste pour commencer, car étant donné qu'une telle science devrait contenir entièrement aussi bien la connaissance analytique que la connaissance synthétique a priori, elle est, pour ce qui concerne notre projet, d'une trop grande ampleur. Cette recherche, que nous pouvons proprement nommer non pas doctrine, mais seulement critique transcendantale, parce qu'elle a pour projet non d'élargir les connaissances elles-mêmes, mais simplement de les rectifier, et qu'elle doit fournir la pierre de touche de la valeur ou de l'absence de valeur de toutes les connaissances a priori, est ce dont nous nous préoccupons désormais. Une telle critique est par conséquent une préparation, dans la mesure du possible, à un organon, et si celui-ci devait échouer, du moins à un canon de ses connaissances, d'après lequel, en tout état de cause, le système complet de la philosophie de la raison pure, qu'il consiste dans un élargissement ou dans une simple limitation de sa connaissance, pourrait un jour être présenté. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Kant cette semaine, quatre concepts décisifs dans la pensée kantienne. Aujourd'hui, le transcendantal en compagnie du philosophe kantien Michael Fessel. Soyons honnêtes, Michael Fessel, quand même, le texte qu'on vient d'entendre est extrêmement difficile à entendre, à lire, et c'est le cas de la critique de la raison pure. Si quelqu'un, en vous écoutant parler de Kant, se dit « Tiens, j'ai envie de le lire » et ouvre la critique de la raison pure, il va être déconcerté, et qu'il soit rassuré. C'est le cas même après des années d'études de philosophie. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Effectivement, Kant n'est pas d'abord un immense écrivain, et puis il y a une technicité dans sa pensée, mais qui est une technicité d'une certaine manière, est inévitable. Parce que, et on le voit même sur le terme transcendantal, à partir du moment où un philosophe, et c'est le cas de Kant, transforme de fond en comble la manière de philosopher, eh bien il est aussi obligé d'inventer d'une certaine manière ses concepts ou sa langue. Alors évidemment, soit on le fait, je dirais par exemple à la Heidegger, c'est-à-dire en formant de nouveaux concepts, de nouveaux termes, mais ça ne rend pas la lecture, par exemple, des traitants de Heidegger beaucoup moins aride que celle de Kant, soit on le fait à la manière kantienne, c'est-à-dire on réinvestit les termes de la technique de la philosophie classique comme transcendantale en modifiant profondément leur sens. Mais dans les deux cas, c'est vrai qu'il y a une aridité. Il faut aussi noter, cela dit pour nos auditeurs, que Kant a toujours pris soin d'écrire, je dirais, une version, je dis pas du tout, c'est pas la philosophie kantienne pour les nuls par Kant, mais une version plus populaire, c'est le terme qu'il emploie de ses livres, et par exemple, correspondant à la critique de la raison pure, qui est un monument extrêmement aride dans son caractère stylistique. Il a publié un livre qui s'appelle Les Prolégomènes, Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme une science, le titre est assez interminable, qui est une version plus accessible. Alors, maintenant, si on reprend le texte que vous avez lu, je crois que l'essentiel tient dans la phrase la philosophie transcendantale ne s'occupe pas tant d'objets que du mode de connaissance des objets. Alors, c'est cela qu'on peut-être on peut essayer d'expliquer. Ça veut dire, d'abord, la philosophie n'a pas d'objet qui lui soit propre. Ce qui n'est pas du tout évident, ni aujourd'hui, ni à la période a fortiori où Kant parlait, puisque précisément, on avait tendance à dire, et la philosophie, d'une certaine manière, s'est constituée au Moyen-Âge en particulier, comme une discipline ancillaire, c'est-à-dire liée à la théologie, parce que ces objets, elles préparaient en quelque sorte à la connaissance de ce qui est le plus désirable du point de vue de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Eh bien Kant, d'une certaine manière, remet cela totalement en cause en disant ce n'est pas par les objets qu'on va définir la philosophie, c'est-à-dire soit elle s'occupera plutôt de la science, soit elle s'occupera plutôt de Dieu, soit elle s'occupera de morale. Non, elle se définit par une réflexion sur le mode de connaissance des objets, ce qui veut dire elle n'a pas un savoir qui lui soit propre, sinon d'être un savoir sur le savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir, au fond? C'est ça la question centrale de Kant. Qu'est-ce que c'est plutôt, d'ailleurs, que connaître? Pour une raison qui est simple, qui est la suivante. Puis-je connaître Dieu? Puis-je connaître ce qui dépasse l'expérience? Et au fond, la vraie question de Kant, c'est la question de la possibilité de la métaphysique. Puis-je connaître ce qui dépasse l'expérience? Ben, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que veut dire connaître. Et en particulier, il faut se poser la question, d'où la formule « le mode de connaissance des objets », quelles sont les facultés qui sont à l'œuvre dans la connaissance? Qu'est-ce qui, dans la subjectivité, détermine en quelque sorte notre connaissance? Et d'où la réflexion de Kant dans la critique de la raison pure, qui va distinguer la philosophie transcendantale. Au fond, elle distingue, elle fait une sorte de topologie, elle distingue des lieux dans l'esprit. Elle va distinguer ce qui relève de la sensibilité, c'est-à-dire ce qui permet que les choses nous soient accessibles dans l'expérience, c'est-à-dire l'espace et le temps, fondamentalement, et puis ce qui, d'autre part, relève de la connaissance proprement dit, de l'entendement, donc, que Kant va appeler, cette fois-ci, les catégories. Et au fond, il va falloir se poser la question de savoir si nous pouvons utiliser des catégories, c'est-à-dire les appliquer aux sensibles. Par exemple, prenons un exemple qui sera peut-être l'exemple le plus simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la cause? Il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas ou qui n'emploie pas d'une manière ou d'une autre le concept de cause. Si je veux connaître la raison qui fait que advient un événement, mettons, je ne sais pas, aujourd'hui il pleut, bon, je suis obligé de déterminer les causes à ce phénomène que je constate pour le coup empiriquement, à savoir que qu'il pleut. Eh bien, le concept de cause, évidemment, il porte en lui tout le poids, d'une certaine manière, de la connaissance. C'est-à-dire, la question fondamentale est de savoir si, de ce phénomène, bon, on a guère de difficultés à déterminer pourquoi nous sommes mouillés quand il pleut, ça, la science peut s'en occuper sans trop de difficultés. Mais Kant va dire, est-ce que ce concept de cause, nous pouvons l'utiliser, y compris pour savoir, est-ce qu'il y a une cause du monde? qu'on appellera par exemple Dieu. Et là, de proche en proche, à partir d'un concept qu'on croit au fond utiliser sans jamais le problématiser, encore une fois le concept de cause, ce qui produit un effet, eh bien, dans certaines traditions philosophiques, dans la métaphysique elle-même, on va remonter à une origine du monde, à l'idée qu'il y a une cause de l'univers et que cette cause s'appelle Dieu. Eh bien, la thèse de Kant, c'est ça, la philosophie transcendantale, c'est de dire, ou c'est de montrer plutôt, et ça met évidemment beaucoup de pages, et c'est pour ça que c'est compliqué, eh bien, c'est de montrer que ce concept de cause n'a pas la même légitimité si on l'applique à la goutte d'eau qui, tombée du ciel, vient me mouiller, si je puis dire. On ne peut pas l'appliquer de la même manière à des effets comme la pluie et à des effets comme le monde. Autrement dit, on ne pourra pas démontrer que il existe à l'origine du monde un Dieu. Au fond, Kant, c'est une rectification de la manière de penser. C'est un philosophe et c'est aussi ce qui le rend, c'est pas seulement sa technique stylistique, si je puis dire, ou son style qui le rend aride, c'est sa lenteur. C'est sa patience. C'est-à-dire que, évidemment, il y a quelque chose d'un peu décevant dans l'idée que nous n'allons pas d'emblée parvenir à ce qui dépasse l'expérience, d'emblée parvenir à ce qui intéresse fondamentalement l'humanité. Par exemple, je parle beaucoup de Dieu, mais parlons aussi de l'immortalité de l'âme. Ce qui le rend parfois difficile à lire et parfois, je le répète, décevant, c'est que d'une certaine manière, lui, son problème, c'est de réfléchir à ce qui, à pourquoi nous posons ce genre de questions, mon âme est-elle immortelle? En plus, il apporte une réponse plutôt négative à la possibilité d'y répondre. Et donc, par conséquent, c'est une philosophie du retard, mais c'est aussi, de ce point de vue-là, une philosophie de la prudence, c'est-à-dire ne parlons pas trop vite, n'employons pas trop vite des concepts sans réfléchir à la légitimité de leur usage. Et d'ailleurs, je confirme que Kant est un auteur difficile et technique, et il y en a beaucoup dans l'histoire de la philosophie, mais c'est un auteur que l'on peut facilement comprendre si on prend le temps, vous l'avez dit, il faut une lenteur, et si on lit même à l'aide de son doigt un mot après l'autre, c'est comme une langue étrangère au fond. Une fois qu'on a défini les concepts qu'il emploie, et lui-même le fait dès le début du livre, on peut le comprendre, et la joie qui en ressort est vraiment très forte. Alors c'est pas un philosophe qu'on associe à la joie, lui-même ne prône pas spécialement la joie, et pourtant la satisfaction du savoir qui enfin peut se comprendre est quelque chose d'assez inégalable. Enfin, je parle en ce qui me concerne, et je pense que vous serez d'accord. Un point quand même, on dit, oui, voilà, vous dites Kant, c'est un philosophe de la méthode, transcendantal, ça veut dire s'interroger sur les conditions de possibilité de la connaissance, il va donner un contenu quand même, c'est-à-dire que dans la critique de la raison pure, on découvre et on comprend que pour connaître quelque chose, il faut des conditions, et notamment, vous l'avez rapidement esquissé, la rencontre entre la sensibilité et de l'autre, l'entendement entre un donné sensible qui est informe, et de l'autre, l'entendement qui va appliquer ce qu'on peut appeler des concepts, et que la connaissance est à ce prix. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre et ni connaître Dieu? Parce qu'on ne peut pas en faire l'expérience, au fond. On ne peut connaître que ce dont on peut faire l'expérience. Est-ce qu'on ne peut pas connaître, en l'occurrence ici Dieu, on peut néanmoins le penser. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée de ce qui dépasse l'expérience. On peut en avoir une. C'est pour ça que Kant n'est pas un empiriste. Il ne considère pas que l'expérience soit la limite absolue de la philosophie. Simplement, il va introduire une distinction qui, je crois, là aussi est pertinente pour son temps et pour le nôtre, entre penser et connaître. Ouais. La connaissance relevant, pour le dire rapidement, du champ de la science, de ce qui est démontrable et de ce qui est observable. Et elle porte sur ce que Kant appelle des objets, ce qui est en face de moi et que je peux déterminer, par exemple, en cherchant la cause de l'objet ou du phénomène ou de l'événement que je suis en train d'observer. Par contre, il y a au-delà de ce que je peux connaître un champ pour la pensée et aussi d'ailleurs aussi pour la morale. Peut-être on y reviendra, mais en tous les cas, la philosophie n'est pas. C'est aussi ça le sens, faut plutôt l'implication du mot transcendantal ou de la méthode transcendantale, la philosophie n'est pas assignée à résidence, si je puis dire, par la science. On a souvent fait de Kant, en quelque sorte, le commentateur, ce qui est tout à fait faux, mais même, disons, le fondateur, ce qui n'est pas tout à fait vrai, de la philosophie, de la physique, pardon, mathématique de Newton. On associe souvent Kant et Newton, bon, Newton venant un peu avant Kant, évidemment, mais il a joué un très, très grand rôle dans la philosophie. Et Kant serait le Newton de la philosophie. Voilà, il serait le Newton de la philosophie, ce qui peut se comprendre au sens où, effectivement, il révolutionne la manière de penser, bon, et pas cette fois-ci d'expliquer la nature, mais la manière de penser. Cela étant, je dirais, bon, là, c'est une option plus. Bon, on a plusieurs interprétations de Kant, mais la critique de la raison pure, le principal livre de Kant, en tout cas le premier livre important de Kant, ne s'interroge pas tant sur la science, au fond, que sur la possibilité de la métaphysique. Simplement, évidemment, Conformément à la méthode que j'ai essayé déjà de présenter, Kant parle beaucoup de la science, si l'on peut dire, parce que avant de savoir de la science au sens de la physique essentiellement, parce que avant de savoir si nous pouvons avoir une connaissance de Dieu, de l'âme et du monde, il faut savoir ce que veut dire savoir. Or, nous avons à disposition, si l'on peut dire, devant nous, une science qui, elle, a fait ses effets, a produit d'une certaine manière sa vérité et a démontré ses effets, c'est la physique mathématique. Donc il faut réfléchir à ce qui rend possible la physique mathématique, c'est-à-dire effectivement à la connaissance, au procès de la connaissance, pour ensuite essayer d'appliquer à la métaphysique, aux objets de la métaphysique, ces présupposés-là. Et ça ne marchera pas, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au fond, Kant affirmera et démontrera, en un sens, que l'on ne peut pas transposer, au fond, au régime de ce qui est au-delà de l'expérience, oui, ce qui vaut dans le champ de l'expérience elle-même. Ce qui va poser des problèmes dans le domaine de la morale, on y vient dans un instant. Avant cela, il y a encore deux choses que je voudrais dire, vous entendre dire sur la critique de la raison pure. On a parlé du mot de révolution. Précisons que pour Kant, cette révolution, elle se joue à un endroit précis. Je lis un extrait. Jusqu'ici, on admettait que toute notre connaissance devait nécessairement se régler d'après les objets. Que l'on fasse l'essai de voir si nous ne réussirions pas mieux dans les problèmes de métaphysique dès lors que nous admettrions que les objets doivent se régler d'après notre connaissance. C'est ce qu'on a appelé la révolution copernicienne. L'origine de la connaissance, c'est pas les objets, eh bien c'est nous-mêmes en fait. C'est ce qui se passe dans notre entendement au moment où on connaît. Ça, c'est révolutionnaire. Oui, alors ce qui est effectivement révolutionnaire, c'est que Kant, en tout cas pas radicalement nouveau, c'est que Kant ne soumet pas le savoir à son objet. On pourrait dire d'une certaine manière, c'est d'ailleurs une thèse philosophique classique avant Kant, de dire que plus un objet est digne, plus un objet est d'une certaine grandeur, encore une fois toujours tout en haut il y a Dieu si je puis dire, plus le savoir qui porte sur lui est digne en un sens. Mais là on voit bien que c'est l'objet à connaître qui décide par avance du type de savoir qui doit porter sur lui. On pourrait dire en un sens, ça ce sont des conceptions réalistes au sens large du terme, c'est-à-dire c'est la chose, res en latin, c'est la chose qui décide de la manière dont je la connais. Alors Kant renverse là littéralement, on peut dire, cette forme d'enquête philosophique en disant, en réalité, il faut partir du sujet qu'il connaît et des facultés qui se trouvent en lui, hein, l'entendement, je l'ai dit tout à l'heure, et puis la sensibilité, l'espace et le temps, il faut partir du sujet, de ses facultés, pour savoir, au fond, comment ces facultés entrent en jeu pour constituer des objets. Et donc, la méthode transcendantale, elle a un effet, effectivement, c'est de centrer sur la subjectivité, qui d'ailleurs s'appellera du coup la subjectivité transcendantale, de centrer sur la subjectivité, d'en faire le fondement du savoir. C'est un subjectivisme, si l'on veut, en ce sens, Kant, et il épouse, il entre de ce point de vue-là dans la tradition, malgré toutes les nouveautés ouvertes par Descartes. Hein, c'est-à-dire, finalement, il faut commencer par le cogito. C'est-à-dire, c'est l'expérience de la pensée, que Kant définira différemment que celle de Descartes, mais peu importe ici. C'est l'expérience de la connaissance subjective, de la pensée de soi, en quelque sorte, dont il faut partir, de la réflexion sur soi, parce que le sujet est à la source de toute connaissance. Mais évidemment, il faut préciser le sujet transcendantal, pas le sujet empirique, pas le sujet fait de corps, de chair et surtout d'une sorte de psychologie qui est déterminée généralement par notre vie. Parce que dans ce cas-là, la connaissance deviendrait très imprécise. Si c'était le sujet, moi, comme individu, si je puis dire, qui constituait le savoir, alors le savoir ne serait plus universel. Le savoir serait un savoir déterminé. Donc là, transcendantal veut dire universel ? Transcendantal, en ce sens ici, veut dire universel, c'est-à-dire ce qui dans le sujet est déterminé ou existe au titre des facultés, mais ce sont les mêmes chez vous et chez moi, si vous voulez. De ce point de vue-là, Kant, c'est un moderne, c'est-à-dire il épouserait là aussi la thèse de Descartes, selon laquelle le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, mais le bon sens voulant dire ici la raison. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre les sujets, il peut y avoir des différences d'aptitude. Mais du point de vue transcendantal, nous sommes tous égaux, si je puis dire. Il y a quand même une dimension, d'ailleurs, Kant épousera aussi les passions politiques de son siècle, révolutionnaire, je veux dire, ce n'est pas un hasard, en ce sens que la raison est égalitairement partagée, comme faculté, du moins, peut-être pas comme actualité, mais comme faculté. En droit, en tout cas. En droit, voilà, c'est-à-dire en droit plutôt peut-être qu'en fait. Mais nous disposons tous des mêmes dispositions transcendantales, si je puis dire, des mêmes capacités transcendantales. Par exemple, Encore une fois, le concept de cause, le concept de causalité, l'idée que dès qu'il advient quelque chose dans l'univers, il y a nécessairement une cause qui le précède et qui l'explique. C'est présent dans chaque raison. Cela est présent dans chaque entendement, du moins. C'est-à-dire, entendement, c'est vrai qu'il faut distinguer les deux. C'est-à-dire que nous pouvons le démontrer pour tous. Et d'ailleurs, nous, au fond... Et encore faut-il toujours définir les termes, et Kant s'emploie beaucoup, et souvent je veux dire, à le faire, mais nous pouvons toujours en droit comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons de cause, lorsque nous parlons de quantité, lorsque nous parlons de substance. Ce qui le démontre d'ailleurs, c'est justement la victoire, si je puis dire, ou le succès, de la physique mathématique finalement. Le fait qu'à partir de Newton, même si c'est de manière provisoire dans l'histoire, mais à partir de Newton, tout le monde, il y aura bien peu, il ne restera plus beaucoup de partisans de Ptolémée, d'une certaine manière. Après Copernic, il n'y a plus beaucoup de partisans de Ptolémée, c'est-à-dire qui considéreraient, par exemple, que la Terre est au centre de l'univers. Kant, c'est un homme des Lumières, c'est un homme de cette modernité fondée aussi par la science, parce que c'est celui qui participe à une période à laquelle de laquelle nous sommes peut-être un peu séparés, dans une confiance, malgré tout, dans les pouvoirs de l'esprit humain, confiance attestée par l'universalité des vérités scientifiques, et en particulier physiques, découvertes depuis Galilée. Est-ce que ça veut dire que la méthode transcendantale permettrait d'aiguiser ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'esprit critique ? Je pense que notre problème est dans le système éducatif. Les organismes chargés de mettre en place les programmes et les manuels scolaires tendent à y placer de moins en moins de faits scientifiques. Nos enfants grandissent donc dans un environnement où tout est contesté à propos des médias, où rien n'est vrai. Sur Facebook, tout est présenté de la même façon. Si vous lisez un article d'un médecin prix Nobel et un article d'un type lambda qui écrit en sous-vêtements depuis sa chambre ou depuis le sous-sol de chez sa mère, à l'écran, les deux discours paraissent tout aussi plausibles. Nous devons enseigner à nos enfants suffisamment d'esprit critique pour qu'ils soient capables de trier ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est sujet à controverse et ce qui ne l'est pas. Apparemment, nous ne sommes pas bons sur le sujet, et notre système politique ne nous y aide pas. Jusqu'où peut-on appliquer Kant à quelque chose de concret, Michael Fessel, lorsque Kant emploie le terme de critique, et il le fait notamment à trois reprises, puisqu'il est l'auteur de la critique de la raison pure dont nous avons beaucoup parlé, mais aussi de la critique de la raison pratique et de la critique de la faculté de juger. Jusqu'où donc ce qu'il entend par critique est applicable à ce que Barack Obama, dans l'archive que vous venez d'entendre, qui date de novembre 2016, appelle l'esprit critique et qui serait indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et hiérarchiser l'information. C'est un enjeu, disons, qu'on pourrait appeler politique. Est-ce que cette transposition tient ? En un sens, oui, parce que ce que disait en tout cas ici Obama, c'est que nous étions dans des sociétés qui, du fait en particulier du triomphe, disons, de l'image, ne nous permettent pas de distinguer entre un discours scientifique et un discours qui a la même forme, puisqu'il apparaît sur notre écran, en un sens, mais qui évidemment est parfaitement ou farfelu, voire même parfois dangereux. Alors, sans vouloir forcer les choses, on pourrait dire, effectivement, Kant, c'est celui qui va qui essaie de nous déprendre de notre fascination, non seulement pour les images, mais même pour les choses, et qui va aller chercher un petit peu dans les coulisses, hein, c'est-à-dire les coulisses de la connaissance. Ça serait ici, au fond, de quel droit affirmes-tu que Dieu est démontrable, ou que toute chose dans l'univers a une cause, ou de quel droit affirmes-tu que les mathématiques peuvent s'appliquer à la nature, ce qui est effectivement une des nouveautés fondamentales de la physique moderne. C'est la question, pour le dire sans avoir l'air trop cuit, parce que c'est Kant lui-même qui emploie le terme latin, parce qu'il vient du droit romain. Quid iuris, de quel droit est-ce que tu affirmes ce que tu dis, d'une certaine manière, ou est-ce que tu affirmes connaître ce que tu affirmes connaître. En ce sens, la critique, oui, c'est précisément une recherche sur c'est transcendantal au sens où c'est une recherche sur les conditions de possibilité de la connaissance, et ça a une dimension, on peut dire, politique en ce sens, c'est-à-dire n'affirmer ou plutôt d'admettre aucune vérité sous prétexte qu'elle est traditionnelle, par exemple. Oui, donc remettre en question ce qui est dit. C'est l'exemple qu'on a Obama, se demander quand quelqu'un prend la parole et semble nous expliquer quelque chose, mais à quelles conditions affirmes-tu ce voilà. que tu es en train de dire. Voilà, d'où parles-tu, comme on disait ouais. beaucoup dans les années d'où tu parles. Et là, on peut dire littéralement, hein, d'où la localisation de la pensée. Un des enjeux de la philosophie kantienne, c'est de faire une topologie, c'est-à-dire, lorsque tu me dis quelque chose, parles-tu depuis la sensibilité, parles-tu depuis l'entendement. Et pour une connaissance, il faut trouver une articulation entre les deux. Est-ce que c'est ta subjectivité transcendantale, c'est-à-dire universelle, qui parle, ou est-ce que c'est ta subjectivité totalement personnelle, individuelle? Parce que souvent, la vérité, on l'énonce depuis un point de vue, ça c'est tout à fait, je dirais, admissible. Mais encore faut-il faire l'effort que ce point de vue puisse être partagé ouais. universellement, parce que sinon, ce n'est plus une vérité, c'est une opinion qui prétend effectivement à vouloir s'imposer par la force. Il y a dans la critique, dans le geste critique kantien, et ça il en est très conscient, puisqu'il le dit dès les premières lignes de la critique de la raison pure, il dit « nous sommes au siècle de la critique », le 18e donc, et nous ne sommes au siècle de la critique, ça veut dire il n'y a plus, même dans le domaine religieux, hein, il y a un caractère subversif en ce sens chez Kant, même dans le domaine religieux, il n'y a plus aucune vérité à qui on ne va pas en quelque sorte demander ses papiers, si je puis dire. Mais c'est-à-dire on va pas demander qu'on doive admettre, parce qu'au fond, on l'a toujours cru, on l'a toujours dit, ou alors c'est parce que c'est écrit dans les livres. Hein. Il y a aussi une rupture avec la notion d'autorité livresque, hein, le livre des livres, ici c'est la Bible, en un sens. Aucun pouvoir aussi, dit Kant, ne peut se permettre, à l'heure actuelle, à l'heure des Lumières, ne peut se permettre de se soustraire à cette exigence critique qui est toujours au fond une question de légitimité. Parce que d'où parles-tu, ça ne veut pas seulement dire, ou ça ne s'adresse pas seulement au métaphysicien qui prétend avoir une connaissance de l'âme ou de Dieu. Cela vaut aussi pour le prince, hein, ou pour le prêtre, qui souvent, en tout cas, avant le XVIIIe siècle, était lié. C'est-à-dire, d'où prétends-tu nous gouverner, depuis quel savoir, depuis quelle autorité? Et la critique, c'est un aussi, il y a quelque chose d'abrasif, en quelque sorte, puisque elle permet de remettre en cause toutes les idoles ou toutes les superstitions qui se trouvent au fondement du savoir, du pouvoir, pardon, en particulier despotique, dont Kant est un adversaire résolu. Puisqu'on s'interroge sur l'application pratique de ce que dit Kant, ça tombe bien, la deuxième critique est donc la critique de la raison pratique. Alors, pour le dire schématiquement et rapidement, on a parlé de l'entendement qui lui va fournir les concepts, les catégories nécessaires à la connaissance. La raison, elle, va, c'est l'expression de Kant, subsumer ces concepts en des principes qui sont indispensables à la production de la connaissance. Et la raison dite pratique, c'est donc celle qui va s'intéresser à ce qu'on appelle la liberté. D'où vient cette liberté? Sommes-nous vraiment libres? Alors comment s'applique la méthode transcendantale à la question de la liberté, donc de la morale, Michael Fessel? C'est toujours la même méthode, même si effectivement là l'objet est fondamentalement différent. La même méthode, parce que la question est de savoir n'est pas de savoir finalement, si on prend une philosophie morale pré-kantienne, traditionnelle, c'est que faut-il faire, hein, d'une certaine ouais. manière. Alors évidemment Kant définira lui-même sa pensée en disant quel est mon devoir, mais au fond c'est pas tellement que dois-je faire la question morale pour Kant. La question c'est à quelles conditions de possibilité une action, ou plutôt une intention, est-elle morale. Là encore on rétrocède des théories du bien, qui nous disent bon au fond la vertu c'est la croyance mettons en Dieu, c'est la soumission à Dieu, je veux dire, ou la vertu c'est l'obéissance à un certain nombre de préceptes politiques, c'est l'obéissance à son roi ou à son prince. Bon, encore une fois pour Kant le geste critique consiste à dire ce n'est pas du concept de bien qu'il faut partir, de ce qui est bien, c'est des conditions de possibilité de la morale, c'est-à-dire au fond qu'est-ce qui va distinguer une action morale d'une action qui a, évidemment, si on prend d'emblée une action immorale, un meurtre ou un vol, mettons, les choses sont peut-être plus simples. Mais qu'est-ce qui va distinguer une action véritablement morale d'une action qui serait une action simplement dictée par la peur, mettons, d'aller en prison? Alors, pour prendre un exemple que Kant prend dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il dit, bon, qui est un de ses ouvrages de morale, justement, il dit, bon, prenons un commerçant qui va rendre la monnaie à son client et qui va se rendre compte, plutôt le client lui donne trop d'argent par rapport à ce qu'il devait, se trompe en quelque sorte dans son paiement. Alors évidemment, le commerçant va avoir la possibilité de soit de garder l'argent surnuméraire pour lui-même, auquel cas il sera immoral, soit de rendre l'argent. Alors quand on rend l'argent en trop que vous a donné un client, on peut le faire soit parce que c'est un client qui va peut-être se rendre compte qu'on l'a volé et qui du coup ne reviendra pas dans votre boutique. Donc par intérêt bien compris. Donc par intérêt bien compris, mais qui a toutes les allures de la moralité. C'est ça, hein. Ouais. Donc c'est un comportement légal. Il est conforme à la loi morale qui consiste à être honnête, pour le dire vite. Mais simplement là, du point de vue des conditions de possibilité, c'est-à-dire ici des raisons d'agir, bien la raison d'agir, elle est plutôt par intérêt, je dirais, différé. Je sacrifie mon intérêt immédiat, c'est-à-dire de garder l'argent en trop, mais au bénéfice d'un intérêt à plus long terme, qui est que le client revienne. Ou alors, mettons que ce soit un client que pour une raison X ou Y, qu'il n'y a aucune chance de revoir dans ma boutique, eh bien néanmoins, en dépit de l'intérêt immédiat et définitif que j'aurai à le voler, en quelque sorte, eh bien je lui rends la monnaie. Là, l'action est morale. Je prends cette Donc il faut qu'elle soit désintéressée. Il faut qu'elle soit fondamentalement désintéressée, qu'elle soit faite en vertu du critère de son universalité. Et de ce point de vue-là, on voit bien que chez Kant, et ça va au-delà de la question strictement morale, on voit bien que la critique a quand même quelque chose, enfin la démarche critique ou la démarche transcendantale a quelque chose en un sens, je dirais pas de rassurant, mais d'émancipateur. C'est-à-dire que nous, à l'époque de Kant et aujourd'hui peut-être plus encore, nous sommes soumis, je dirais, à des discours sur les valeurs. Valeurs rarement définies, hein, bon, valeurs rarement réfléchies comme telles. Valeur, c'est ce qui est bien, ce qui est bien. Voilà, on parle beaucoup de la République aujourd'hui comme étant une valeur. Mais encore faudrait-il évidemment se définir ce terme, puisque maintenant on en est jusqu'à discuter de savoir s'il y a des tenues républicaines, des tenues vestimentaires républicaines. Bon, et on voit bien donc qu'on est soumis à cette idée de valeur au sens littéral, c'est-à-dire il faut que je m'habille de manière républicaine. Bon, très bien. Alors, c'est une valeur. C'est une valeur. Alors, Kant, lui, ne s'intéresse pas aux valeurs. Ou en tout cas, il les soumet à des principes. C'est-à-dire, dans le champ en tout cas de la morale, ce n'est pas ceci, c'est bien de faire ceci, c'est mal de faire ceci, ou de faire autre chose, ou de ne pas faire ceci, ou d'agir de telle manière. Encore une fois, la question c'est, sous quel principe agis-tu ? Et le principe fondamental qui est le sien, c'est la loi morale, enfin qui n'est pas le sien, qui est celui de la raison, produit par la raison, c'est la loi morale. C'est-à-dire, il faut soumettre notre action à un certain critère qui est celui de l'universalité. Nos intentions doivent toujours pouvoir être partagé par les autres. Par exemple, je ne peux pas mentir, parce que si je mens, je présuppose chez l'autre la croyance dans la vérité. Au fond, mon action est contradictoire. Hein, c'est-à-dire, il faut pour que l'autre croit dans mon mensonge qu'il croit que je dis la vérité. Autrement dit, je trahis le contrat intersubjectif, si je puis dire, dans le mensonge. Il y a une négation de l'universel. La figure de l'immoralité, finalement, c'est la négation de l'universalité. C'est-à-dire, au passage, c'est ce moment où le sujet ni son caractère transcendantal, universel, pour s'affirmer comme sujet empirique, comme sujet vraiment c'est le moi, si vous voulez, par opposition au sujet transcendantal. C'est je mens pour mon propre intérêt, c'est-à-dire je fais sécession d'avec le reste de l'humanité. Au fond, ce que j'entends dans ce que vous dites, Michael Fessel, c'est qu'il y a un humanisme dans ce qu'on appelle le transcendantal. C'est quand même le pari d'une universalité de l'homme et qui doit être privilégié sur la subjectivité. Pour autant que le sujet transcendantal, effectivement, jusqu'à plus ample informé, on ne le trouve présent que dans l'humanité, on peut dire c'est un humanisme. C'est un humanisme qui, néanmoins, fait signe vers ce qui dépasse l'humanité. C'est-à-dire que il y a chez Kant toujours l'idée que ce que nous ne pouvons pas connaître, ou peut-être même ce que nous ne pouvons pas réaliser sur Terre, demeure quand même pour nous un objectif ou l'objet ou le champ, je dirais, d'une pensée. Hein, Lévinas a écrit un livre qui s'appelle « L'humanisme de l'autre homme » et c'est un titre qu'on pourrait presque, en un sens, appliquer à Kant, parce que il y a quelque chose dans l'humain, dans l'homme, je veux dire, qui dépasse l'humanité, c'est-à-dire au fond une exigence d'absolu en quelque sorte, qui, même si nous ne pouvons pas la satisfaire totalement dans le champ du savoir, en tous les cas, continue à nous orienter dans le domaine de l'action. Je vous propose qu'on écoute un texte. Désormais, nous sommes en mesure de le comprendre, je crois. Il y a un extrait de la Critique de la raison pratique. C'est la conclusion dans laquelle Kant décrit ce qui remplit son cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas à les chercher. ni à en faire la simple conjecture au-delà de mon horizon, comme si elles étaient enveloppées de ténèbres ou placées dans une région transcendante. Je les vois devant moi. Et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. La première commence à la place que j'occupe dans le monde extérieur des sens, et étend la connexion où je me trouve à l'espace immense, avec des mondes au-delà des mondes, et des systèmes de systèmes. Et, en outre, au temps illimité de leur mouvement périodique, de leur commencement et de leur durée. La seconde commence à mon invisible moi, à ma personnalité, et me représente dans un monde qui possède une infinitude véritable, mais qui n'est accessible qu'à l'entendement, et avec lequel, et par cela aussi en même temps avec tous ces mondes visibles, je me reconnais lié par une connexion non plus comme la première seulement contingente, mais universelle et nécessaire. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Le ciel est allé étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, et c'est extra de Léo Ferré. Mais oui, parce que Kant aussi, c'est être lyrique. En tout cas, on s'y approche hein, dans le texte qu'on vient d'entendre, Michael Fessel. Oui, si on peut faire un lien entre Ferré et Kant, il porte sur cette capacité, alors pour le coup spécifiquement humaine, à s'étonner devant ce qui est plus grand que nous. Et à ne pas se sentir seulement humilié par ce qui est plus grand que nous. Et c'est peut-être le sens profond du texte de Kant. Je ne sais pas si c'est le sens profond de la chanson de Ferré, c'est probable. En tout cas du texte de Kant, parce qu'il cite justement ce qui d'une certaine manière pourrait m'étouffer ou me ramener à ma totale incompétence, ma totale petitesse, mon caractère quasiment de microbe, si j'ose dire. C'est-à-dire le ciel étoilé. Qui peut m'écraser parce qu'il est tellement plus infini que moi et que mon corps, et la loi morale en moi, c'est-à-dire une exigence qui elle aussi pourrait être considérée comme un supplice en quelque sorte, par exemple ne pas devoir mentir. Et Kant montre que ce qui est en moi et ce qui est au-dessus de moi, en quelque sorte, sont plutôt c'est sublime au sens littéral du terme, c'est extra en ce sens, c'est extra ou c'est sublime, c'est-à-dire ce n'est pas l'immensité, l'infini n'est pas le principe de mon humiliation, c'est plutôt de l'ordre de l'appel à ma vocation, en quelque sorte. La vocation morale, en l'occurrence, ou la vocation esthétique, dans le cas du ciel étoilé. Il y a certes la conscience d'un écart, je ne suis jamais à la hauteur, comme sujet sensible de l'exigence morale. Mmh. Je ne suis pas à la hauteur comme sujet corporel de l'immensité du ciel, mais il y a dans ce rapport entre le ciel étoilé et moi, ou entre la loi morale et moi, la conscience, au fond, de ce que quelque chose en moi me dépasse, mais qui n'est pas extérieur à moi, dont je suis néanmoins capable, et que Kant, alors là, on quitterait peut-être les rivages de l'esthétique pure, ce principe de dépassement de soi, de transcendance, pour le coup, oui, voilà. C'est la raison. C'est la raison, mais la raison pratique. C'est-à-dire que la plus haute vocation de l'humanité n'est pas la connaissance. Là, il y a une rupture claire avec la tradition issue de Platon. La plus haute vocation de l'homme, elle se situe au niveau de sa liberté, de la morale et de la liberté, et peut-être aussi plus généralement de la politique. Autrement dit, ce que je ne peux pas connaître, néanmoins, le champ de ce que je ne peux pas connaître est investi par le faire, par l'agir, par l'action. Et de ce point de vue-là, je peux m'émouvoir en quelque sorte devant le ciel étoilé, car je partage avec ce ciel la vocation, je partage, quand je dis je, c'est le sujet moral, partage avec ce ciel la vocation à l'infini. Merci Michael Fessel, quel beau mot de conclusion. Merci d'être venu nous parler de Kant et du transcendantal ce matin. De vous, on peut lire Kant et l'équivoque du monde, l'avenir de la liberté, Rousseau, Kant, Hegel. Et puis votre dernier livre s'appelle Récidive 1938, il est disponible aux éditions PUF. On se quitte avec quelqu'un qui sait, mais qui sait à quel prix? Écoutez, c'est Jean Gabin, maintenant je sais. Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme.